Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rang unan, Liliana itwa reinen enes. Que flammeur d'urune, torre d'idjuer que striver serra à huile, à diframme d'istur que d'un tarieux, ne helte lui en vague d'orle peine de narnan, je te hie l'onquet que d'armour. Plariawank, ken diner a difiv a peuve e mao, zo taule di horf ar aude un enes. Peufel dei, it tisem plain, obir ur sel tro dro, ichom saouzanet. Un ur vil braouarus, zo deu bleged a hustei. Aged ur spont, is sempl de vat. Peus zidjo radar e daou legat, ema ini gourvez in ur gam dianao. Un ur vil eo dirazi adare. Ur pen ramzel de an, rond el ur sucrinen, ge daou legat bihan divalwen, du po da divue, un toulik reiz eptien il er fri, touleu egiz diskouarn, hag ur geneu toulanval eoe. Hag i-benn ne vrale a hus du horf an val d'or ur voul, a rumoug i liu. Un ur vil lavat, oe ker souehet hag i. Stou ein ur az i-benn di salu d'ain. Salut deor, pla rouez. Nevern penoz o c'eus gellet du araen an touez, raviot digemeret mat gant an all, en nenez a rot. Regard et d'art à autrou, mais et pèlerement. Et pas les arros de verre ni verrenet. Bravo brallet. Sais-tu asé d'avutuni? Ma fel dehors goulen un draben à gouspen, or gélidopen, à kerken à clevet arzoun, et teredo michérourion zervicha. Evidoumé. Et verded en hygiène ou meur bralaro ni veren zeiz a reer a hanon. Sevelera ze nijin ou meur a tchertchent e sankaz ir leuren. Ur seltro e razer plar ne se. Lamedo e bet e diliad digeti. Or gelan ma fen. Ma inin e raketrous. Tri meul zigwehas, ken hanval djihouzri a breuder gevel hanval lui. Ne denne tamebed ou doareyeu diavez de re un ur dentchetan. Brassor ewe ou horf trut, a glas ludu. Ouz regombiz ewe hanval d'or paouyeu kenit, a burpe di fival. Ken dichter ewe ou fen, ma creudaz ur plach de getan e went diben. Ur djurben ou dwe, get chemen ouz oret, ur bek rond, tout l'anval, un touled il er fri, ur laga divalwen i kreiz ou fas, a gur skouarn i kreiz ou hilpen. Chemeleren d'arze, reut a difif. A gouzou darit, mar plij a outrounes. Et pèlerment ma diliat. Salokras. Kit m'a plis j'autrunes d'aglas qu'en autre ou hygiénour meurt bral en rôde au paouez mon achon. En hiveren quand 1656 déan. Ouar agredon. Faziet spuntus horreus plachoues. Neusquet da hygiene ur meur bra la rôde niveren quand mille. En niveren seis on me. En man, ne garer ke calz arvesquerion niveren nous. An kouet mo epken. Va niveren rinidik, nentrakin. Ur chans eo deor boudavias vro. Tar fol dimeur evi gerbe kasset, rage un na endal, salokras. Ar hui, pe niveren avez griad ar c'han or. Lilian a ema anno genidik. Biskoaz meus klevet komz, em bro, eus an niveren ze. Gant ar vez, ur plachouez a nentraken. Da bib bro, i gizioù. Parañ ur az d'otan, i selleu, dizouj ker. Ker splan is kede i deulegat, ma plegaz en ur den aher. Evel reiz, nentras kiant tel lor. Pio a war petor e froud en spuntus a c'helfe, ur plachouez gori en e fenik ma teufe deizi taïri rus. Perag o peus sklaket do taouarn? Ma diliat. Non ket duar davon evelze, en noaz sklant. A me garfe... Liva o korf, ken mon ermeas. Liva ma c'horf? Ya, liva o korf. Vadig a rezi davat. E verded an ijin ur liva korfou, n'en deus ket divize troaz gant petore liou e tere ouz ur bout livet. Ma liva? Da oust an e ouz er ket ken nebeud en o pro, petra eo en em liva? Merzed ur as nes Liliana eo e livet korv nordin ge liou ru, penchi la troet, an eo tchut duisket. A Liliana, bamet, a goulen adare evel ato, he dit la deux hi. Ur penadeg goude, i taz i veur detre indro. Dilia d'or plar que ton. Pirag no peus ke butunet. Ne vut une enquête? Pe non, ose chéli de la varoud ne vut une enquête. Pe buez zo renet gant an tant diabars. A penoz e vefe tan e moget. A penoz e tivo getfe an nem na vut un fe nepred. Tu dar verin zo ke na zivoget. Da oust ma vezon mogetet gant di edu bero. Neus nemet a re a gaser dar fon veur na zivoget on mui. Da oust an e c'halfer ke re din da dibi, n'tamik? Dibi? Petra eo dibi? Dibi zo lakad un drabenag en vek hag el lanko. Oit bremañ hat nevern para. A pa vefe frouez gwe? Neus an man a frouez gwez na frouez eo stet. Pan neve ar frouez hag utulion men an lioz kiantel. Neve ferke devid o lunka. Regal edin. Daoust hag e c'halfen neuze. Tan va di edou ar ouerin? Un ur denal zastre. Iniz eo an diviziek, ewe un duren dupod, i virvain hag i tivo djedain, ur swer hag ur braouar. E barz! E barz! Gortozit! Gortozit! Inez a rod, diwa Roman Xavier Langlais, da vout kendalret. Az a sad, az Sévenine, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Limoulec, Azénor Kalak, Yann Ederne Jourdan, Tanguy Daniel, Jean-Maille Olivier, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec, Enrolain, Framain, Akemeskain, Jean-Maille Olivier. Produyain, Samuel Julien, Yann Djengolo Filmeux. Thank you.